niwe baba salama niwe ma yesu niwe ma haleluya niwe ma sana niwe ma baba salama niwe ma haleluya we haleluya niwe ma sana niwe ma toseka loko pika mikono Ni mwema sana ni mwema Baba wa salama Hallelujah Baba Hallelujah Ni mwema sana ni mwema Baba wa salama Kwa yoyote Baba unatenda maisha yetu Ni mwema sana ni mwema Baba nitupe nini Baba Nitupe nini Kwa yoyote Yesu Feta maboko wo maboko wo maboko wo allez boucher allez sema yazo bina Alléluia. Est-ce qu'on peut les encourager avec les acclamations pendant que la chorale est en train de nous donner un chant de louange aussi. Alléluia. Et puis à Dieu et souverainement. Paix à Dieu, à Yeshua, vraiment. Et puis, est-ce qu'on peut exagérer avec leurs acclamations? Jésus. Alléluia. Jésus, le roi. Il est le roi. Alléluia. Yeye, ni mufalme, mufalme. Alléluia. Jésus. Il est un chica mikono ni mwako. Mti watanyanganya. Chica mikono ni mwako. Sitani ana uwezo. Una chica. Mademo na ikaribu. Ile una akiba yako. Mti watanyanganya. Shetani ana. Alléluia. Il est un chica mikono ni mwako. Mtu watanyanganya. Il est un chica mikono ni mwako. Sitani ana uwezo. Il est un chica mikono ni mwako. Mademona ikaribu. Il est unaweka mwakiba yako. Mtu watanyanganya. Alleluia. Eske anaweza kupiga vikelekele juu ya Yesu. Alleluia. Akuna mtu anaweza kunyanganya Akuna mtu anaweza kuharibu Akuna mtu atabebelo na shika Okay, yako Akuna mtu anaweza kunyanganya Akuna mtu anaweza kuharibu Akuna mtu anabebelo na shika Akuna mtu Anaweza kunyanganya Hakuna mtu Anaweza kuharibu Hakuna mtu Anaweza lona shika Aleluya Inanga Atina maboko na yo Oh, avenire nanga Atina maboko na yo Bilipota nanga nyonso Atina maboko na yo Ekreja onzambe Atina maboko na yo Mabota ya bala lanzambe Kasi na maboko na yo Mabota na bapasto Kasi na maboko na yo évangéliste na badiakro bobele bango nyonso est-ce que ba évangéliste baza ba évangéliste bazali alléluia est-ce que ba diakre bazali yes alléluia Ipo mo inanga, katina maboko na yo. Oh avenir inanga, katina maboko na yo. Ili pota na nganyoso, katina maboko na yo. Ekklesia nzambe, katina maboko na yo. Ke mapota ya bana na nzambe, katina maboko na yo. Ba apotre na ba pasteur, katina maboko na yo. Evangeliste na ba diakre, katina maboko na yo. Bobele bango nyonso na maboko na yo okiomba samaki asita kupa nyoka okiomba mukati asita kupa jiwe kweli okiomba samaki asita kupa nyoka okiomba mukati asita kupa jiwe oh amelisha ndege ndogo amelisha ndege amefika maua atakuvika nawe baba atakuvika nawe Akosewi na kitu. Yeri Bwana. Aleluya. Amelisha ndege ndogo. Amelisha ndege ndogo. Amelisha ndege. Amevika maua. Atakuvika nawe. Oh, ni baba wa wayatima. Na ume wa wajane. Ni baba wa wayatima. Na ume wa wajane. Ni baba wa wayatima. Uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, Bwana lelele Bwana lelele Bwana lelele Bwana lelele Iyo yo yo Iyo yo yo Iyo yo yo Iyo yo yo Oh Bwana lelele Bwana lelele Bwana lelele Bwana lelele Iyo yo yo Iyo yo yo Iyo yo yo Yo yo yo Alléluia Il est le roi le Seigneur Azali Zambé Alléluia Alléluia Jésus Zambé Alléluia OK Alléluia Alléluia Eya mololo pona Yesu mololo pona Yesu mololo pona Yesu mololo pona Yesu ya mololo pona Yesu mololo ei kakundulila bwa Yesu tuya Yesu kakundulila bwa Yesu kakundulila bwa Yesu ei kakundulila bwa Yesu kakundulila ei bikerekele tuya Yesu pona Yesu Kelekele njuya Yesu eh Njuya Yesu eh Kelekele njuya Yesu eh Kelekele Oh yangana Yesu kosuka wate Yesu kawate Oh yangana Yesu kosuka wate Yesu kawate Oh yangana Yesu kosuka wate Yesu kawate Oh yangana Yesu kosuka wate Keba Ale ale bela oh Ale ale bela oh Ale ale bela Ale ale bela Paranzame ale bela Ale ale bela Tule ponde ale bela Ale ale bela Dinonyoso ale bela Ale ale bela Paranzame ale bela Ale ale bela Eita mola kamalembe Yoko koma Tamola mola ki malembe, pe yo kokomba. Tamola ka malembe, yo kokomba. Wida wida kambola kimale embe peyo kokoma. Kambola kimale embe yoko koma. Wida kambola kimale embe peyo kokoma. Eita mola malembe yoko koma. Betela ye mololo yes. Alazinzambe ikolo na nyoso abomo na kate elonga na biso Yesu. Aleluya. Yes. Yesu atambola kina mayo. Betela atambola kina maye oh. Yesu atambola kina mayo yo yo yo yo yo. Itela atambola kina mayo oh. Amandi kozinda. Amene lisa. Era kozinda te. Kozinda te. Era kozinda te. Era kozinda te. Era kozinda te. Era kozinda te. Era kozinda te. Na cozinha te oh, na cozinha te, na cozinha te, na cozinha te, na cozinha te oh, na cozinha te, na cozinha te, na cozinha te, na cozinha te oh, yes, aleluia, merci Jesus. Quand nous venons à lui, il nous reçoit. Il est celui qui répond toujours à la prière. Nous avons demandé le mariage, il nous a donné. Nous avons demandé les enfants, il nous a donné. Nous lui avons demandé l'argent, il a donné. Mais en retour, qu'est-ce que nous lui avons donné? Alors ce matin, l'occasion nous est donnée de le célébrer, de l'adorer par des prières, par la prière. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, tu es bon en tout le temps. Dans ma vie, je vois ta bonté chaque matin se renouveler. Quand je m'endors et quand je me réveille, je vois mes enfants. C'est un sujet pour moi d'adoration. Mes enfants ont commencé l'année scolaire. Ils l'ont fini sans incident. Seigneur, tu mérites l'adoration. Mes enfants ont commencé l'année scolaire sans connaître de turbulences, de stress. Tu les as protégés. Voilà, ce matin je me présente au devant de toi pour te dire merci parce que tu as protégé les enfants. Tu m'as protégé au travail où je vais aussi chaque matin. Tu m'as gardé. Tu m'as donné la bonne santé. Seigneur, tu mérites l'adoration. Laisse que mon cœur t'adore ce matin. Je t'adore et je te célèbre pour ce que tu es, pour ce que tu as fait. Tu as donné l'intelligence. Tu as donné la santé. Tu as donné tout ce que nous n'avons pas encore vu, mais qui va encore se manifester. Tu n'as pas changé parce que tu ne m'as pas donné. Tu restes Dieu. Quand tu me donnes et quand tu ne m'as pas encore donné, je t'adore ce matin, sois élevé. Merci Jésus. Toka bola bosantu boyo, oh, zata Bekatina kemonda yo Toye kombuma mela yo Nanya kotele makolo Pipa yo tele mingami Yangoto kitini boso Yangu ya peke mbona yo Niboso ya kitina yo Niboso ya kitina yo Toye komi bwaka tata Bekatina kemona yo Toye kombuma mela yo Nanya kotele makolo Pipa yo tele miyawe Yangoto kitini boso Yangu ya peke mbona yo Yawe Yozali bolingo ya solo Amen, peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes venus adorer notre Dieu. Je t'ai prosterné devant lui pour reconnaître qu'il t'a tant gardé. Il a aussi bien protégé tes enfants. Le modateur n'a pas parlé. Il a dit que Dieu a tellement gardé tes enfants. Ils ont commencé toute l'année scolaire et jusqu'au bout. Ils ont commencé avec les autres enfants. Mais les autres enfants ont connu des accidents. D'autres ont été enlevés. D'autres ont été violés. Et tes enfants, toi, ils sont en bonne vie. Qu'as-tu fait? Tu as monté quelle garde? Les voleurs sont venus, ils ont volé chez les voisins. Ils ont passé de votre maison. La mort est venue à guetter rien que vos voisins. Les enfants sont en bonne santé. Qu'as-tu fait devant Dieu? Est-ce que tu y as corrompu? Oh, nous aimerions maintenant que nous puissions tous nous mettre debout et adorer l'Éternel. Sois reconnaissant ce matin. Plusieurs sont alités aux hôpitaux et ceux encore sont morts. Ils disent encore, si moi, Dieu me donne encore la force, il va encore vivre. En court instant, ils sont décédés. Nous recevons beaucoup des choses concernant la mort. Pourquoi tu ne veux pas adorer Dieu? Pourquoi tu ne vas pas élever ta voix pour adorer ce Dieu? Et lui dire que Seigneur, je t'aime. Dis-lui que Seigneur, je t'aime maintenant. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Évoluons avec les mêmes cantiques. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Allons acclamer pour la présence de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes tellement bénis. Je me suis posé aussi la question que de quel jour que le pasteur Congolais a prêché dans notre église. Amen. Amen. En ce jour, nous avons été répondu. Papa, mettez-vous debout, on veut vous recevoir. Il s'appelle le pasteur Congolo de notre 45e départ. Du côté Zinier, de la paroisse Nehema. C'est lui qui va nous donner la parole ce matin. Après toi, très bien tes oreilles pour que tu puisses entendre ce qu'il va dire. C'est un bon enseignant. Il est prédicateur en même temps enseignant. Dieu va te bénir ce matin. Papa. Amen, amen. Amen. Nous disons encore amen, amen. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu. Tunashukuru wetu Mungu. Ce matin, nous voici chez nous. Asubuhi najikuta tu ni kwetu. Je me retrouve parmi le mien. Najikutanisha katikati ya banduku yangu. Je vois maman et je dis maman que Dieu vous bénisse. Ona mama nasema mama Mungu akubariki. De même, j'envoie mes salutations à papa là où il est. Mais en toutes choses, je voudrais rendre gloire à mon Dieu. Ton Dieu est là, il est mon Dieu aussi. Alléluia. Amen. Mon Dieu, il est ton Dieu aussi. Ce matin, bien-aimé, il permet que nous soyons là. Moi, je ne suis rien. Je ne connais rien. Mais il y a quelqu'un qui est là qui va parler. Quelqu'un aujourd'hui qui te connaît très bien. Avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de maman, lui te connaissait. Il a tout programmé pour ta vie. Jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. C'est celui-là qui va te parler. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, bien-aimés? J'aimerais que nous nous mettions debout. Ce n'est pas devant un homme. Ce n'est pas devant un homme. Mais c'est devant Dieu. Ton créateur. Lui qui a créé le ciel et la terre. Il t'a créé et il t'a mis sur cette terre. J'aimerais par une petite prière que tu lui dises quelque chose. Je ne sais pas, il y a quelque chose que tu as gardé pour lui aujourd'hui. Je voudrais que tu l'exprimes maintenant. Qu'il te parle. Parle-lui d'abord. Dis-lui d'abord. Avant que lui ne parle. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Qu'il répondra peut-être aujourd'hui à ton problème. À tes préoccupations. J'aimerais sincèrement du fond de ton cœur que tu lui parles. Que tu lui parles. Que tu lui parles. Mais même lui dire tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Dis-lui tout simplement Seigneur tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma famille. Tu es le Dieu de cette église. Dis-lui quelque chose. Dis à Jésus quelque chose ce matin. J'aimerais qu'il soit élevé ce matin, Seigneur. Qu'il soit élevé dans ta vie. Bien-aimé, qu'il soit élevé dans ta famille. Ah, il est digne, c'est Jésus. Il est veilleux, il est glorieux. Alléluia, sois béni mon Dieu, sois béni mon roi. Alléluia. Sois béni, ô Père éternel. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, ô Jésus. Mon frère a besoin de toi aujourd'hui. Ma sœur a besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Ce pays a besoin de toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Père. Asante Baba. Merci Seigneur. Buana asante. Pouvons nous asseoir, bien-aimés. J'espère que je ne vous ai pas dérangé en vous mettant debout. Mais je voudrais te dire tout simplement, c'est grand Dieu. Par moments, nous les connaissons mal. Parce que même notre intelligence, notre compréhension ne peut jamais comprendre qui est ce Dieu. Nous sommes tellement petits. C'est pourquoi la parole déclare: qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Bien aimé, nous sommes tellement petits par rapport à sa grandeur. Et nous les comprenons mal. C'est pourquoi il y a des moments, lorsque sa gloire vient, lorsque sa gloire arrive, personne ne peut se tenir debout devant lui. Alléluia. Amen. Personne ne peut résister devant lui. Parce que sa gloire, c'est un poids. C'est un poids. C'est lourd. Personne ne peut supporter. C'est pourquoi quand nous disons, nous nous mettons debout, nous essayons d'imaginer ce qu'il est. Et tu te dis, il est Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce Dieu qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui. J'ai eu papa au téléphone le vendredi. Il m'a demandé si j'avais un programme spécial à l'église. Je lui ai dit oui, c'est vrai qu'on a un programme. Mais nous pouvons toujours voir ce que nous pouvons faire. Et il m'a demandé si je peux communier avec nos frères de la source féconde. Bien aimé, cette église est une source. Peut-être que tu n'as pas encore compris. Je te dis que c'est une source. Il y a des choses que tu cherches que tu peux puiser dans cette source. Je vais dire à quelqu'un ce matin ici, c'est une source. Alléluia. Je dis c'est une source. Il y a quelqu'un qui a dit c'est une source féconde. Mais toi tu peux dire c'est une source de vie. Toi tu peux dire c'est une source de solution. Ça dépend ce que tu pourras puiser dans cette source. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Bwana kubariki. Il nous a donné le texte Juges chapitre 6, le verset 14. Mais nous allons plus nous appuyer dans le verset 34. Il m'a dit que c'est le thème de l'année. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Mais j'aimerais qu'on ajoute un autre verset. Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Donc, Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Excusez-moi, nous allons encore vous inviter à vous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous commençons par Juges au chapitre 6, le verset 14. Je vais lire ici. Juges 6, 14. Je vais lire ici. Tutasoma ukumbele. La parole déclare: l'Éternel se tourne vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si c'est dans ta Bible, tu peux souligner avec cette force que tu as. Et tu soulignes encore, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Le verset 16 continue. Et l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alors le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen, amen. Pouvons-nous asseoir? Si quelqu'un peut nous bénir avec Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. Est-ce que quelqu'un peut nous bénir avec ça? Pour la lecture? Ou je continue ici? La parole déclare ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen, amen. Amen. J'ai un petit thème aujourd'hui. Je sais que beaucoup des orateurs sont passés par ici. Ils ont parlé de ce thème. Papa a parlé de ce thème. Peut-être que tu vas dire que ce sont des redites. Non, je vais te dire une chose. Il y a toujours quelque chose qui va te bénir. Moi, je crois à ça. Alléluia. Amen. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui va te bénir. Alléluia. Amen. Tout dépend de toi-même. De héros qui s'ignorent. De héros qui s'ignorent. Alléluia. Nous voulons parler de héros qui s'ignorent. Qui ne connaissent pas qui ils sont. Alors qu'ils sont de héros et wow, de héroïnes. Ni wao, ni watu wa shujia, watu wa hodari, banamke na banaume. Alléluia. Amen. Je vais parler à un héros ce matin. Ce matin, je suis venu pour toi, bien-aimé. Maman, je suis venu pour toi. Mon frère, je suis venu pour toi. Je vais te dire que tu es un héros dans le Seigneur. C'est une église des héros dans le Seigneur. Alléluia. Amen. De héros qui s'ignorent. Je vais vous rappeler un des rôles du Saint-Esprit. C'est d'aider le croyant, c'est d'aider l'homme de Dieu à comprendre qui il est. Il le remettra toujours sur le statut que Dieu l'a mis. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre, pour me convaincre, Même si je suis dans le monde, mais il me convainc pour me dire que tu n'es pas du monde. Alléluia. Amen. Il est venu le Saint-Esprit pour produire en nous une conversion véritable. Un changement véritable. T'enlever de là où tu es pour te mettre là où Dieu voudrait que tu sois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous soyez à l'aise, bien-aimés. Amen, amen. Amen. Je voudrais que vous soyez vraiment à l'aise. Fais ce que tu voudras dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux te mettre debout. Tu peux bouger dans le Seigneur pour la gloire de Dieu. Moi, j'ai peur lorsque je suis devant une assemblée qui me regarde comme si je me demande est-ce que comprend ou ne comprend pas. Je voudrais que tu sois touché là où tu es. Je voudrais que le Saint-Esprit te saisisse là où tu es. Je voudrais que tu sois dans la même dimension que moi aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Donc c'est lui qui donne la vraie conversion. Il donne la vraie régénération. Il vient nous libérer de la puissance du péché. Et même de la puissance de la mort. Il est là pour ça. Il est là pour toi. Il est là pour te donner l'assurance de ton salut. Pour t'assurer que réellement tu es sauvé en Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir surtout la puissance qu'il nous accorde pour le service. Vous comprendrez avec moi, le Seigneur, avant de partir, avait dit aux disciples. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit, mais vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Il a promis. Et il a accompli. Alléluia. Amen. Nous avons une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance-là nous pousse à témoigner de lui. Nous sommes des témoins. Dans la parole, dans les actes, nous sommes des témoins. Alléluia. Amen. Je parle à un témoin aujourd'hui. Tu n'as pas autre chose à faire si le Saint-Esprit te saisit. Tu ne parleras que de Jésus. Quelqu'un qui est saisi par le Saint-Esprit ne peut que élever Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre option, bien-aimé. Il n'y a que le fait d'élever Jésus. Parce que la parole déclare, vous serez touché, vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. L'Église doit se réveiller. L'Église doit se réveiller pour témoigner. Ma soeur, mon frère, nous sommes là pour nous lever et témoigner. Je sais que vous le faites déjà, mais le Seigneur voudrait que nous nous levions davantage parce que le temps temps est court maintenant. Le temps est court. Nous sommes en train de vivre des événements qui nous montrent que nous n'avons plus beaucoup de temps. Voyez ce qui se passe en Israël. Voyez l'agitation du monde contre Israël. Et vous comprenez, bien aimé, Alléluia, que nous sommes à la fin du temps. Nous devons témoigner. Mon bien-aimé, tu dois témoigner. Que ce soit au service, tu dois témoigner. Partout où tu es, tu dois témoigner. Dans ta famille, tu dois témoigner. Que toi, tu es un héros. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Alléluia. Amen. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Malheureusement, nous ne nous rendons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte de la potentialité que nous avons. De la puissance que nous avons. Du pouvoir que nous avons. De ce que vous êtes, vous ne vous rendez pas compte. L'Église n'a pas encore compris jusque-là. Alléluia. Amen. La capacité que nous avons en Christ. C'est pourquoi Ephésiens dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Écoutez, la parole déclare, il nous a bénis. La parole ne dit pas qu'il nous bénira. Il n'y a pas de condition ici pour être béni. La parole déclare il nous a déjà bénis. Je vais parler au béni du Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai la grâce de parler aujourd'hui au béni du Seigneur. Alléluia. Amen. Papa, tu es béni. Baba, mon frère, tu es béni. C'est lui qui l'a dit. Il nous a déjà béni. Il y a déjà quelque chose en toi. J'aimerais que tu te rendes compte de ça. Que tu prennes conscience à ça. Que tu es béni. Même si quelqu'un s'est levé pour te dire le contraire. Moi je suis béni. Bien aimé, moi je suis béni. Alléluia. Amen. En venant ici, me tenir ici, je suis béni. Quand je parle devant vous, je suis béni. Quand vous m'entendez, moi je suis béni. J'ai été béni par la chorale lorsque nous adorions. Si vous n'avez jamais compris, bien aimé, la grâce que vous avez ici, vous n'avez jamais compris. Laisse-moi vous dire. Vous avez une grâce ici. Vous n'avez jamais compris. Alléluia. Amen. Il dit, il nous a bénis. Ça ne veut pas dire qu'il bénira. Nous avons été bénis. De toutes sortes de bénédictions. Écoutez, de toutes sortes de bénédictions. Écoutez, si vous pensez que le mariage c'est une bénédiction, mais tu l'as déjà été béni. Si toi tu crois que le travail est une bénédiction, mais tu l'as déjà en Jésus. Si toi tu crois que ton diplôme universitaire c'est une bénédiction, mais tu l'as déjà en Jésus. Je parle au béni du Seigneur aujourd'hui. Il a déjà fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'homme pour se repentir. Lui, il est Dieu. Mais pourquoi Dieu mentirait à un homme? Dis-moi pourquoi Dieu peut mentir à un homme? Qu'est-ce qu'il gagnera en mentant à un homme? Alléluia. Amen. Il n'a pas le temps de mentir. Gloire à notre Dieu. Amen. Parce que tout est à lui. Il peut te donner comme il peut ne pas te donner. Mais quand il a dit quelque chose, prends-le pour acquis. Prends-le pour acquis. C'est pourquoi nous le prenons au mot quand nous prions. Nous disons, Seigneur, toi tu as dit. Toi tu m'as béni. Est-ce que je suis en train de vivre la vie de béni? Est-ce que je mène la vie de béni? Parce que lui l'a dit. Il dit, lui qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Bénédictions spirituelles. Avant que la chose ne soit matérielle, elle est d'abord spirituelle. La conception de la chose est d'abord spirituelle. C'est que toi tu es. Tu as commencé par être spirituel avant que tu ne sois physique. Alléluia. Amen. Oh, qui croit avec moi? Ton origine est d'abord spirituelle. Parce que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Il commence par le spirituel et puis il forma la terre. Donc tu es d'abord spirituel. Alléluia. Amen. Il y a des moments où je suis étonné quand quelqu'un te dit, toi tu es charnel. Alléluia. Amen. Non, dis-lui, tu ne connais pas mes origines. Bien-aimé, tu as des origines spirituelles. Et ce qui est spirituel est divin. Ah, je ne sais pas si vous avez compris. Tu es spirituel. Ça veut dire que tu es divin. C'est pourquoi la parole déclare, vous qui êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, là, l'écriture est en train de s'étonner. L'esprit est en train de s'étonner. Mais tu es Dieu. Mais pourquoi tu vis comme homme? Pourquoi tu fais les choses des hommes? Toi, tu ne peux faire que les choses de Dieu. Ta parole, elle a... Alléluia. Amen. Donc, il nous a bénis. Des sortes de bénédictions spirituelles sur la terre, mais dans le ciel. Tu as quelque chose en toi. Tu as une potentialité en toi. Je suis aujourd'hui pour activer. Ah, je vais activer. La parole va activer. Quelqu'un sera changé aujourd'hui. Ta façon de penser va changer aujourd'hui. Parce que la parole va activer. On active que quelque chose qu'on a. Nous activons seulement ce que nous avons. Tu ne peux pas activer ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Nous sommes venus. Tulikuja. Activer. Ku chamusha. La puissance de du héros que tu es. Weso ya mutu modari ni wewe. Qu'importe la situation que tu vis. Mais moi je dis tu es héros. Même si tu pleures aujourd'hui. Moi je dis tu es héros. Même si tu ne vas pas le bout. Moi je dis tu es héros. Même si tu passes par un combat. Moi je dis tu es héros. Vous savez, un héros c'est un vainqueur. Alléluia. Amen. Vainqueur. Nous parlons vainqueur aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Mes frères là au fond, vous m'entendez bien. Vous pouvez bouger. Que Dieu vous bénisse. Je vois les mains des héros là au fond. Je suis en train de voir les mains des héroïnes là où ils sont. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu qui l'a fait. Et il nous a béni. Revenons maintenant à notre bien-aimé Gédéon. Gédéon, c'était un héros qui s'ignore. Le nom de Gédéon. Avec sa racine grecque voudrait dire celui qui abat. Il abat. Il racine. Alléluia. Amen. Avant qu'il ne rencontre Madian, il avait déjà reçu un nom. Un nom providentiel. Il y a des gens bien-aimés qui ont des noms qui résument déjà sa vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois demander toujours à papa le nom là que tu m'as donné. Alléluia. Amen. Le nom là que tu m'as donné. Gédéon, lui. Gédéon, lui. Il voudrait dire tout simplement c'est lui qui abat. C'est lui qui renverse. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois arracher dans ta vie. Donc Gédéon, cet homme qui abat, il est celui qui coupe. Yeye, ekona kata kata bitu. Il est de la famille de Joas. Ya Joasi. Dans la grande famille d'Abiezer. Mkubwa ya Abiezeri. Il faisait partie d'une petite tribu de Manassé. Kabila kidoko ya Manassé. De Manassé. Kabila ya Manassé. Le Manassé, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de valeur. Parmi les tribus d'Israël, ils ne valent pas grand chose. C'est pourquoi même Gédéon était conscient qu'il n'était rien. Il s'est arrêté là. Et il a pris ça en lui, sur lui, qu'il ne valait rien. Parce qu'on le lui a tellement dit. Je ne sais pas son père, ses arrière-parents, je ne sais pas. Même lui-même, il a grandi avec cette conception dans la tête. Bien-aimé, ce qu'on t'a dit, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Je vais parler aux parents aujourd'hui, aux mamans surtout. Il y a des enfants. Tout le temps, tu le dis, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un fainéant. Tu ne feras jamais quelque chose de bien. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de le programmer à être fainéant. Tu ne feras rien. Haitoshe kitu. Il dira même je suis fainéant. Attendez ta fois que c'est mine gaka tu kiwele wele. Même dès que je suis fainéant. Il funenyo na tu hivi niko tu kipumbafu. Et l'enfant grandit avec ça. C'est une charge négative que vous mettez sur lui. Alléluia. Amen. J'aime bien le blanc. Quand il est en train de parler à son enfant. Il est en train de dire à son enfant. Il est en train de positiver son enfant. Mon petit, tu es merveilleux. Mon petit, tu es ceci. Même si l'enfant ne faisait n'importe quoi, la maman est là pour l'encourager. Mais nous, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour abattre l'enfant. Le jour que vous réservez le bulletin de votre enfant, exhortez-le. Bénissez-le. Alléluia. Amen. Même si le point n'était pas formidable, encouragez-le à faire mieux demain. Alléluia. Amen. Mais nous avons grandi dans la situation où on te disait tu ne vaux rien. Si tu recommences le lendemain, c'est ouais, y a où t'as fait n'importe quitu. On te donne même des noms. Mais on compatit avec Nadjina. C'est comme ça que j'ai déjà grandi. Dieu vit les guidons de naïa les coméa. Alléluia. Amen. Mais un jour, ça c'est comme mon Dieu. La Bible. Biblia ina sema. Il va se retrouver en présence de quelqu'un. Allez, je coupe ta belle et ouais pour y a mon tout mon Dieu. Qui va lui dire autre chose? Alimwambia ko mambo ingine. Il vient lui dire autre chose. Anakuwa kumwambia jambo lingine. Alléluia. Amen. Je suis venu vous dire autre chose aujourd'hui. Kwa kumwambia mambo moya leo. Je suis venu vous dire autre chose. Kwa kumwambia mambo ingine leo. Vous savez, la parole de Dieu. Unayua sauti ya Bwana. Et là pour enlever tout ce que les hommes ont dit sur toi. Iko pale jua kuondosha ile yote watu walisema juu yako. La parole de Dieu. Et là pour effacer tout ce que les hommes ont dit sur toi. Même si on te l'a dit. Je vais parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu es malheureux. Non à cause de ce que tu fais. Mais à cause de ce qu'on dit sur toi. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Injo tatizo. Et tu l'acceptes. Uneitika. Je suis venu apporter la révolte en toi aujourd'hui. Tu dois te révolter. Pale, utomboke. Même si c'est ton père qui te le dit. Ataka ni baba yako anakuambia vile. Même si c'est ta mère qui te le dit. Ataka ni mama yako anakuambia vile. Dis, nana, moi je ne suis pas tel que tu dis. Mwambie sapana, mimi sina jinsi unasema. Je ne suis pas ce que tu dis. Mimi sina vile wewe unasema. Je suis ce que dit Dieu de moi. Mimi niko nasema niko vile Mungu anasema. Même si je suis bumbaf. Même si je suis bête. Quand tu es héros. Kama Mungu anasema kama uko mtu moi je suis héros. Maana yake niko mtu modari. Même si je n'ai rien. Hata kama sina na kitu. Si tu dis. Kama uliniambia. Moi je crois. Naamini tu kwa ajili ya hiyo. Le principe de Dieu. Makanuni ya Mungu. C'est de croire sans voir d'abord. Ni kuamini kwanza bila kuona kitu. Alléluia. Amen. Même si ce que tu vois là Ataka, unaona mbele yako. Ne sont pas des signaux de héros. Aina maalama ya mutu modari. Toi crois que tu es héros. Wewe aminia ndani ya kama uko mutu modari. Parce que pour Dieu. Sababu kwa upande ya Mungu. Wara. Ni kuaminia mkitu bila kukiona mbele. Wara avant de voir. Kuaminia kwanza bila kuona. Kisha utaona. Alléluia. Amen. Et tu verras. Kisha utaona. Si tu veux voir avant de croire, kama unapenda kwanza uone mbele ya kuamini, tu ne verras pas. Hautaona kitu. Je parle aux héros aujourd'hui. Ninazungumzia kwa mtu mhodari leo. Gideon ne savait pas qu'il était héros. Gideon hakujua kama alikuwa mtu mhodari. Il croyait tout ce qu'on lui a dit. Alikuwa anaaminia kwa biote alikuwa anamwambia. Il marchait selon tout ce qu'on lui a dit. Alikuwa anatembea kadiri ya bila baleza kumwambia. Mais il se trouva devant quelqu'un. Sasa alijikuta mbele ya mtu mmoja. qui le connaissait mieux. Il le connaissait mieux. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui nous connaît comme Dieu. Dieu nous connaît mieux. Dieu te connaît mieux. Même toi-même, tu ne te connais pas autant que Dieu te connaît. Je te dis la vérité. Il y a des moments où nous disons, toi, tu ne me connais pas. Même toi-même, tu ne te connais pas. Mais Dieu nous connaît mieux. Lakini Mungu anatujua vema kabisa. C'est pourquoi il dit. Ndio maana anasema vaillant héros. Mutu muhodari. Vaillant héros. Mutu muhodari. Alors que la réalité était autre chose. Sasa ukweli pale ilikuwa tu ni mambo ingine. Autour de lui c'était autre chose. Kando kando yake ilikuwa ni mambo ingine. Je pense qu'à un certain moment. Nazania wakati moja fulani. Il va se lever. Il regarde biceps. Ah, anaangalia mishipa yake bisa kuvimba. Rien. Anaangalia kumkona kuna kitu. Il regarde sa grandeur. Anaangalia kimo yake. Et même sur la scules, pas bascule. Anapanda na pa mezani. Il regarde le poids. Pakipimo anaangalia uzito yake. 45 kilos. Eko na 45 kilos. Il se dit, est-ce que c'est ça le poids des héros? Anasema injo buzito ya mtu mohodari. Est-ce que c'est ça la taille des héros? Injo kimo ya mtu mohodari. Comment je peux être héros avec cette forme? Kwa nini nitakuwa mtu mohodari na hii hali? Laisse-moi dire quelque chose à quelqu'un. Atanisema uko jambo moyo fulani. Malgré ta forme, tu es héros. Ingawa jinsi uko mtu mohodari. Malgré ta forme, bien aimé, tu es héros. Kwa hali yako vile uko mtu mohodari. La parole nous dit ceci. La Mungu nasema hivi. Dieu ne regarde pas à ce qui est apparent. Mungu angaliake bile bikunagusa kumacho. Dieu ne regarde pas à ce qui est apparent. Mungu angaliake bile binonekana kumacho. Dieu ne suit pas à nos sens. Mungu akunasema na ndani ya mania yetu mbalimbali. À nos sens. Mon micro a des problèmes, c'est comme ça. Ngereza kibuyu. C'est comme ça. Je continue. Si vous voulez que je continue, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Dieu, lui, il ne regarde pas à ce que tu apparais. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Donc Dieu ne regarde pas à comment tu apparais. Dieu ne regarde pas à comment tu sembles être. Mungu angaliake namna kani uko. Parce que Dieu, sababu Mungu, quand il te regarde, wakati anakuangalia, il voit ce que les hommes ne voient pas. Eko naona bile batu habaone. Alléluia. Amen. Il ne voit pas lui ce que les hommes voient. Yepa anakuona bile batu beko naona. Il voit autre chose. Yeko naona namna nyingine. Je voudrais ce matin. Napenda tena asubuhi ya leo. Dieu Uyu Mungu te donne ses lunettes. Atoshe matalatala yake. Qu'il te donne ses jumelles pour que tu te connaisses bien. Akupatie matalatala yake uone vizuri. Que tu te connaisses bien. Ili ujitambue tena vizuri. Il dit, vous qui êtes Dieu, comment vous mourrez comme des hommes? Nyinyi mnakuwa kama miungu, kwa nini mnakufa kama watu? En d'autres termes, comment vous marchez comme des hommes? Mnamna nyingine akusema kama kwa nini mnatembea kama watu wote? Comment vous pleurez comme des hommes? Kwa nini mnalia kama watu wote? Comment vous faites tout comme des hommes? Kwa nini mnafanya vyote kama watu wote? Mais votre façon de parler. Hata namna yenu ya kusema. Vous parlez comme des hommes. Mko nasema kama watu wote. Lorsque un problème qui agit. Kama mambo inafika. Vous parlez de la même façon comme des hommes. Mko nasema kama namna yote vile watu wanasema. Mais vous êtes Dieu. Nini mko miungu? Quand les hommes disent là, il y a un problème. Wakati bantu wanasema pale peko mambo. Toi dis, il y a pas de problème. Wewe sema hapana kintu. Alléluia. Amen. Quand les hommes disent, il y a un problème. Quand bantu wanasema hapa peko mambo. Lève-toi dans la famille et dis, il y a pas de problème. Hata mjamana wewe sema hapa hapana kintu. Il y a pas de problème. Hapana mambo. Souvenez-vous de cette femme qui avait un enfant. Mukeni ule mwanamke alikuwa na mtoto. Qui était mort. Aliweza kufariki. Il prend son enfant. anachukua mtoto yake. Je dois aller voir l'homme de Dieu. Sema mitenda kumuona mtu ya Mungu. La Bible déclare. Biblia nasema. Son mari lui posa la question. Bwana yake akamuuliza akaulizo. Est-ce que tout va bien? Biote biko sawa. La femme dit. Mwanamke anasema. Ça va. Biote biko sawa. Mama dit ça va. Mama anasema biko sawa. Mon bien-aimé dit ça va. Pendwa sema hako kama biote biko tayari. Si le problème est là. Ataka mambo iko hako. Toi dis ça va. We sema kama biote biko sawa. Et crois que ça va. Anaaminia kama biote biko sawa. Et ce que tu crois. Na ile kunaaminia. Ça va se réaliser. Njoo ile bitaonekana kisha. Je parle à quelqu'un qui a pleuré aujourd'hui. Ngona sema na mtu malilia leo. Parce que tu as regardé à ton problème. Tu t'es dit ce n'est pas possible. Je suis venu te dire que c'est possible. Je suis venu te dire que c'est possible. Toi, tu as dit que ce n'est pas possible. Mais Dieu te dit que c'est possible. C'est possible. Alléluia. Amen. Gédéon. Il va essayer de s'estimer. Anapima, kujiangalia. Il se regarde. Anajiangalia mwenyewe. Il se dit, il n'y a rien. Anasema, sina kitu. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Alors que Dieu lui avait déjà dit. Japo Mungu alikuwa akimwambia ça. Amen, amen. Amen. Vous savez, un héros, unajua mtu modari, c'est un guerrier vainqueur. Huyu ni mpiga vita, kuna wina kila wakati. C'est un guerrier vainqueur. Donc quand Dieu lui a dit tu es héros, c'est-à-dire Dieu l'a pris, il l'a amené à la fin du combat et il lui dit voilà tu as vaincu. Avant même que le combat ne commence, Gédéon était vainqueur. Avant même que le combat ne commence, bien aimé, je te dis que tu es vainqueur. Avant même le début de ton combat. Je ne sais pas si tu crois ensemble avec moi. Ça dit pour Dieu, sur le plan spirituel, il l'avait déplacé, il l'amène à la fin du combat. Si tu es avec Dieu, au début du combat, lui t'amène déjà à la fin du combat. Et il te dit, crois seulement. Crois seulement. Amini tu. Je parle à quelqu'un qui est en train de passer un moment difficile. Je vais te dire, maman, une chose. Que tout a une fin. Tout a une fin, bien-aimé. Si ça commence aujourd'hui, ça finira. Ça finira. Ça finira. Comme ça a commencé, ça finira. Oh, sois béni, toi qui as compris. Sois béni, mon bien-aimé. Il dit, vaillant héros. Gédéon n'avait jamais combattu. N'a jamais combattu de sa vie. Tout ce qu'il savait, c'est moudre le blé. Le travail des femmes. C'est tout ce qu'il savait faire. Mais quelqu'un va lui dire, toi tu es un vaillant. Ça veut dire un combattant. Un combattant. Oh, le combattant du Seigneur. Vous, le vaillant du Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse. Sikieni sasa jibu yake. La réponse de mon frère Gédéon. Jibu ya ndugu yetu Gideoni. C'est ce qui m'étonne. Yone nishangaisha kabisa. Au verset 15, Gédéon va dire. Kwenye mstari wa 15 Gideon sema. Ah, mon Seigneur, ah, bwana wangu. Avec quoi délivrerai-je Israël? Itaokoa Israël na nini? Avec quoi? Na nini? Avec quoi? Na nini? Je me tourne, je me retourne. Je vois, je n'ai rien. Qui peut m'amener à délivrer Israël? Avec quoi? Il regarda dans ses mains, il n'avait rien. Alléluia. Amen. Je peux vous demander de regarder vos mains. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à regarder ses mains? Quelqu'un peut m'aider à regarder ses mains? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous voyez dans vos mains? Ma sœur, qu'est-ce que tu vois toi dans? Alléluia. Amen. Mon frère, qu'est-ce que tu vois dans tes mains? Un jour, j'étais dans une église. Dieu me donna une parole de connaissance pour un frère. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il me dit, pasteur, je n'ai rien. Mais moi, j'ai dit, mais moi, je veux une clé de voiture dans ta main. Mais lui n'avait pas de voiture. Mais moi, j'ai vu une clé de voiture dans ses mains. Et je lui ai dit, moi, je veux une clé dans tes mains. Et quelques temps plus tard, il est venu montrer la clé. Alléluia. Amen. Ce que tu regardes là, ce que tu vois là, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Tu peux regarder, tu dis, je n'ai rien. Mais Dieu lui voit quelque chose dans tes mains. Dieu voit quelque chose dans tes mains. Là dans tes mains là, il y a quelque chose que toi tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Quelque chose que toi tu ne vois pas. Je suis en train de voir quelqu'un qui ne croit même pas à ce que j'ai dit. Il ne croit même pas ce que dit la parole. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, bien-aimé. Dans tes mains, il y a quelque chose. Amen, amen. Amen. Il y a quelque chose. Si Dieu me fait grâce, je peux te le dire peut-être après que, avant que le culte ne finisse. Mais moi je sais tu as quelque chose. Il y a dans les mains desquels il y a des mariages. Il y en a dans leurs mains, il y a de l'argent. Il y a dans leurs mains, il y a des enfants. Il y a dans leurs mains, il y a des choses. Il y a des choses, il y a des ministères dans le main. Mais toi, tu regardes avec les yeux des hommes. Dis, Seigneur, donne-moi tes yeux, je vais voir. C'est pourquoi Gédéon avait dit, avec quoi? Avec quoi? Alléluia. Amen. Avec quoi? Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Le verset 16, je serai avec toi. Je serai avec toi. Tu n'as rien. Mais moi, je serai avec toi. Un jour, Moïse, Dieu lui dit, tu vas délivrer Israël, mon peuple, des mains de Pharaon. Moïse réagit comme Gédéon. Mais moi ici, qu'est-ce que je dirais? Mais moi ici, je ne sais même pas parler. Il commence par avancer ce qui est négatif en lui. Alléluia. Amen. Je ne connais rien. Je ne sais rien. Je n'ai jamais rien fait. Mais Dieu lui dit, quand tu entres tes mains, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Non, je n'ai que ces bâtons-là. Je n'ai que ces bâtons. Alléluia. Amen. Lui au moins avait un bâton. Mais Gédéon n'avait rien. Dieu lui dit, je te garantis, je serai avec toi. Cette parole, Dieu te l'a dit. Papa, cette parole, Dieu te l'a déjà dit. Parce que la parole déclare, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous quitterai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. La présence de Dieu suffit en toutes choses. La présence de Dieu suffit dans toutes tes épreuves. La présence de Dieu est suffisante. Avoir conscience de la présence de Dieu, c'est la chose la plus importante. En vous, en moi, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, mon frère. Parce que tu as été béni avant, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Vous ne me croyez peut-être pas. Je vais illustrer ça par un exemple. Excusez-moi. Je vais entrer de façon pédagogique. Est-ce que je peux avoir la petite fille qui est là, ma sœur à côté, la petite là, la petite. Pas qu'à oule pembe niako. Qu'elle vienne. Oui, oui, la petite là. Naoule dada kuya, naoule mtoto. Venez toutes les deux. Venez. Et vous allez comprendre ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Vous pouvez regarder là-bas. Angalia kumakutano. Nous avons cet enfant. Tukuna huyu mtoto kidoko. Et nous avons la sœur. Na tukuna dada msichana. Je peux vous confirmer. Naweza kuhakikishia. Tout ce que cette sœur a. Ile yote huyu dada msichana yuko nayo. Physiquement. Kwa hali ya kuona na macho. Cet enfant là aussi. Na huyu mtoto kidogo naye yuko nayo. Ah, est-ce que vous avez compris? Tuko pamoja. Ce qu'elle a là maintenant. Ile yuko nayo huyu dada. Cet enfant là aussi. Na huyu mtoto kidogo naye yuko nayo. Est-ce que vous croyez? Unaaminia kile maneno. Est-ce que vous croyez? Unaaminia kile maneno. Dans cet enfant. Manake ndani huyu mtoto kidogo. Il y a tout ce que cette sœur a. Ile yote huyu dada yuko nayo. Mais c'est un problème de temps. Ni mambo ya muda tu. C'est Amen. Un problème de temps. Ni mambo ya muda tu. Alléluia. Amen. C'est un problème de temps. Ni mambo tu ya muda. Mais ce que j'aime avec Dieu. Il est napenda pamoja na huyu Mungu. Lui, il est le maître de temps. Yeye anaongoza nyakati. Quand il dit tu as. Kama anasema uko nayo. Ça ne va pas attendre le temps. Donc crois que tu l'as déjà. Parce qu'il est le maître de temps. Quand il t'a dit tu es héros, tu n'attendras pas pour être héros. Agis déjà comme un héros. Agis déjà comme un héros. Parce que Madian est devant. Madian est devant. Alléluia. Amen. C'est vrai, Madian, c'est un peuple qui existait. Si vous regardez bien dans la Bible, il est même descendant d'Abraham avec Ketura. Alléluia. Amen. Donc il existait. Et il attaquait réellement Israël. Qu'est-ce qu'il faisait? Israël pouvait travailler de dur labeur, arriver au temps de la moisson, Madian apparaît. Madian anatokelea. Il apparaît. Anatokelea. L'homme a travaillé. Alitumika. Il voudrait maintenant jouir. Alipenda jifurahishwe. De ce don, il a souffert. Ya jasho yake yote alitosha. Voilà que Madian arrive. Sasa muone Madiani anafika. Oh, la Bible est claire. Japo Biblia inasema, tu mangeras à la sueur de ton front. Takula kwa jasho ya uso yako. Mais Madian arrive. Yeye Madiani anafika. Quand tu veux manger le fruit wakati unapenda kula matunda de ton travail, matunda ya kazi yako, il vient. Madian anafika. Et il ravit. Anakuya kunyanganya byote. C'est pour te dire que tu as travaillé en vain. Kusema kama ulitumika tu kwa bure. Tu as travaillé en vain. Ulitumika kazi kwa bure. Je vais te dire une chose. Napenda kuambia kwa jambo moja. Toi, tu ne travailleras pas en vain. Wewe hautatumika kazi ya bure. Tu ne travailleras pas en vain. Hautafanyaka kazi ya bure. Tu mangeras le fruit de ton sueur. Utakula ya mateso na jasho yako. Tu mangeras, frère. Utakula ndugu yangu. Alléluia. Amen. Il y a des gens. Koko watu wengine. Je connais un cas. Nayua hali moja. Papa a peiné pour faire étudier son enfant. Ariteseka kabisa ile afundishe mtoto yake kwa masomo. Son enfant, il a étudié. Mtoto yake alijifunza. Pas ici. Aina huku kwetu. À l'étranger. Nje ya Congo. À l'étranger, bien-aimé. Nje ya nchi yetu. L'enfant est sorti. Très intelligent. Très intelligent. Il était sollicité, cet enfant, même en Amérique. Venez le solliciter. Mais quelque temps, l'enfant est parti. L'enfant est mort. Ule mtoto alifariki. Le peine de papa. Tatizo ya huyu baba. Qu'il voulait manger maintenant. Alipenda sasa anje kula ako. Madian est passé par là. Madiani alipitia pale. Madian est passé par là. Madian alipitia pale. Je prends cet exemple. Naleta mfano hiyo. Pour te dire. Je kuambia kusema. Que c'est Madian là. Ule Madian existe encore aujourd'hui. Na siku za leo hii, pas sous la forme physique, aina ta muhali ya kuona na mais sur le plan spirituel. Ata muhali ya roho. Il agit de la même façon. Eko na tenda sawa sawa zamani. De la même façon. Paka vya eko na tenda. Tu as travaillé. Unatumika. Tu veux maintenant récolter. Sasa unapenda kuvuna. Tu veux maintenant moissonner. Unapenda uvune sasa. Madian vient. Madian anafika. Alléluia. Amen. Vous savez, Madian, unayua huyu Madian, c'est l'esprit de ravissement. Ni roho ya kuweza kuponya, kunyanganya, beba. C'est l'esprit de destruction. Ni roho ya kuweza kuharibisha. C'est l'esprit qui vient t'arracher. Ni roho inakuja kukunyanganya, t'arracher. Kuponya. Alors que tu es arrivé au moment. Sasa unafika kwa muda mzuri. Tu es arrivé au moment. Unafika sasa kwa wakati ya mzuri. Mais Madian vient. Pale ne Madian anafika. Madian vient. Madian anafika. Et beaucoup nous souffrons de ces cas-là. Wengi katika tunateseka na hali ya hivi. Dans des dimensions différentes. Umatuo yenye kuachana. Dans des dimensions différentes. Makimo ya kuachana. Alléluia. Amen. Tu peines, tu travailles jour et nuit. Nateseka unatumika usiku na mchana. Tu voudrais maintenant jouir. Sasa unapenda kulia matunda ya kazi yako. Madian viendra prendre une forme. Madian anakuja kuchukua yote. Tout simplement pour te faire pleurer. Ili yote juu akulilishe tena kabisa. C'est pourquoi aujourd'hui. Ndio maana leo. Dieu te dit, lève-toi, tu es un héros. Mungu anakuambia simama sababu kwa mtu muhodari. Il a entendu. Alisikia. Et il se dit aujourd'hui. Toi, tu es un héros. Ça n'est assez avec Madian. Vous savez, Madian, même si tu pleures, il n'a rien à faire avec tes larmes. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Le diable, même si tu pleures, il n'a rien à faire. Parce qu'en lui, il n'y a ni amour, ni passion, il n'y a rien. Tout ce qu'il veut, c'est te voir pleurer, te faire souffrir, pour que tu te dises Dieu n'existe pas. C'est ce qu'avait dit Gédéon. Mais où est ce Dieu-là que nos parents ont parlé, qu'il avait fait ça, qu'il avait fait ça? Mais où est-il? Ton Dieu est là. Je dis ton Dieu est là. Je répète encore, ton Dieu est là. Oh, je répète encore, il est là avec toi. Il n'est pas très loin, il est là, il est là, il est là. Quand tu dors, il est là. Quand tu te réveilles, il est là. Dans la douche, il est là. Dans la salle de bain, il est là. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. C'est ce qu'il a dit. Je suis venu te rappeler ce qu'il t'a déjà dit. Bien-aimé, que tu crois, que tu ne crois pas, lui, il a déjà dit. Que tu le veilles ou pas, lui, il a déjà dit. Pour qu'il soit là, il ne t'a pas demandé la permission. Il est venu et il est avec toi. La présence de Dieu, c'est la chose la plus importante. Cherchons la présence de Dieu. N'allons pas chercher autre chose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Je suis venu te dire ça. Tu souffres pour chercher autre chose. Mais le secret, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, papa cherche la présence de Dieu. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous connaissez l'histoire. Mais ce que j'aime, pour qu'il passe en action, Gédéon avait besoin de quelque chose. Pour qu'il se mette debout, Gédéon avait besoin de quelque chose. Le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il fut revêtu de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'était ça le secret du succès. Pour qu'il soit Jérubal, il fallait qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu, de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire l'esprit saint lui-même. L'esprit saint lui-même est venu en Gédéon pour lui confirmer la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La présence de notre Dieu confirmée par le revêtement de l'Esprit de Dieu. La Gédéon, peut-être qu'il s'est mis debout, Visiblement, il n'a rien senti. Il n'a rien senti visiblement. Mais en lui, il y a eu un changement. La Bible déclare, quand il fut revêtu de l'Esprit de Dieu, il s'est mis debout, il sonna la trompette. Il sonna la trompette. Il fallait qu'il soit revêtu de la présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin du revêtement de l'Esprit de Dieu. Dans le temps, c'était d'une façon sporadique. Par moment. Quelques-uns étaient sélectionnés. L'Esprit de Dieu était sur lui. Non, c'était avant. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous avons une grande promesse. Dans Joël, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair, ça veut dire tout homme. Enfant de Dieu. Ils ont déjà quelque chose. Même là où vous êtes, vous avez quelque chose en vous. En vous, il y a quelque chose. Même si vous ne le sentez pas, même si quand vous marchez, vous ne voyez rien, mais laisse-moi vous dire qu'en vous, il y a quelque chose. J'ai dit qu'en vous, il y a quelque chose. Il est temps de sonner la trompette. Il est temps de sonner la trompette. Parce qu'en vous, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Un jour, Paul regarde ce peuple-là, je ne sais plus quel peuple encore. Même vous. De quel baptême avez-vous été baptisé? Parce qu'il leur a posé la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Nous n'en avions jamais pas entendu parler, même pas du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est en vous. Il est en moi. Celui qui fait que nous soyons des héros. C'est lui qui nous amène au combat. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous amène au combat. C'est lui qui nous donne la victoire. Ma sœur, c'est la vérité. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de sonner la trompette. C'est le temps de sonner la trompette. Pour dire le temps de combat est arrivé. Il dit, venez. Vous les gens des biaisers, venez, le temps est arrivé. Vous tous les gens des Manassés, venez, nous allons nous battre. Dans votre famille, c'est toi qu'on attend. Ah, je vais dire à quelqu'un, dans cette grande famille-là, ils attendent un Gédéon. Ils attendent un héros. Qu'importe l'âge que tu as, tu es héros. Il faut mourir comme ça. Il y a des héros qui sont morts sans accomplir ce pourquoi ils étaient envoyés sur terre. Ta famille a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Tout si ma main. Là, le Seigneur me dit, arrête-toi maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Merci Seigneur. Le diable voudrait nous maintenir dans l'ignorance. Le diable voudrait nous maintenir dans l'ignorance. Il ne veut pas savoir, il ne veut pas que tu saches qui tu es. Il ne veut pas savoir. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu es héros. Parce qu'en toi, il y a quelque chose que Jésus a mis depuis très longtemps. Quand il t'a dit ça, il n'a pas regardé à ce que tu as. Il n'a pas regardé à ce que tu es. Mes amis, on peut aller avec Yeshua. Yeshua, seulement Yeshua. Il y a quelque chose que tu vas maintenant. Quelque chose. Pour sonner la trompette, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Moi, je ne sais pas quoi, mais toi, tu vas le faire. Yeah. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Père, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Je t'avais dit, il y a quelque chose que tu vas faire. Ce que le Saint-Esprit te dit de faire là. Si c'est sauter, tu vas sauter. Si c'est à genoux, tu vas te mettre à genoux. Si c'est pleurer, laisse les larmes couler, mon frère. Parce qu'il te rappelle qui tu es aujourd'hui. Il te donne ta vraie identité, qui tu es aujourd'hui. Et cet homme, c'est Yeshua. Alléluia. Amashia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci mon frère. Merci Seigneur. Papa, tu as raison. Maman, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Dieu puissant. Alléluia. Oh, il est là notre Dieu. Il est là notre Seigneur. Il a dit, je suis avec toi. Même si tu passes par un moment difficile, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ma soeur. Papa, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Laisse-moi te dire. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Alléluia. Il me dit de te dire qu'il est au contrôle. Il est au contrôle de ta situation. Il est au contrôle, il est au contrôle. Même si les choses sont communes, il est au contrôle. Il est au contrôle. Dis-lui seulement, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Alléluia. Il est au contrôle. Seigneur, arrête les Madianes. Arrête les Madianes. Arrête les Madianes dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Arrête les Madianes. Arrête les Madianes, oh Père. Arrête les Madianes. Alléluia. Tu traverses avec moi des situations où tu es conscient que ça, c'est Madian. Tu traverses cette situation-là maintenant. Je peux t'inviter à passer devant. Je peux t'inviter à passer devant. En toi, tu sais que ça, c'est Madian. Il ne voudrait pas que je moissonne. Alléluia. Nous allons prier. Viens, ma soeur. Tu sais que ça, c'est Madian. Tu es arrivé au moment de manger, de jouir. Mais il est là, il vient. Alléluia. Laisse-moi te dire, il est au contrôle. Alléluia. Les gens se moquent de toi. Ils font semblant. Mais quand tu tournes le dos, ce sont les lèvres qui parlent. Ils oublient que tu as un Dieu vivant. Même quand la mer se déchaîne, alléluia. Il parle à la tempête. Il parle à la tempête. Alléluia. Il parle à la tempête. Alléluia. Et la tempête s'était. Alléluia. Yes. Tu es au contrôle, Seigneur. Le Dieu de tout. Tu es le Dieu de tout. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Oh, yes. Même si les mers se déchaînent, Père. Alléluia. Toi, tu parles à la mer. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Tu leur parles. Alléluia. Et tu les calmes, Seigneur. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Merci, Jésus. Vous allez dire à Madiane. Demande à Madiane, Yves. Maintenant. Ça, ça, Yves. Ça n'est assez. Inaenea. Trop, c'est trop. Inaenea binapitisha. Libère ma vie. Acha sasa pesa yangu. Libère ma vie. Libère ma vie. Acha maisha yangu. Madiane, libère ma vie. Toi, esprit de Madiane, libère la vie de ma soeur. Libère la vie de papa. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Tu dois libérer. Tu dois libérer. Tu vas m'aider. Sonner la trompette. Ça, c'est le wakati ya kupika tarumbeta. Tu dois sonner la trompette maintenant. Pika sasa baragumu. Tu dois dire Madiane, libère, libère, libère, libère, libère, libère, libère, libère, libère, libère, libère. Acha Madiane. Acha. Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh. Alléluia, alléluia. Alléluia. Yes, yes, yes, yes, Père. Yes, Jésus. Yes, mon roi. Madiane, tu dois libérer. Tu n'as pas de place dans la vie de ma soeur. Tu n'as pas de place dans la vie de mon frère. Je te donne mon cœur. Tu es mon âme. Tu es Dieu de tout. Si on va se dire. Alléluia, alléluia. Je ne vais peut-être pas vous toucher. Mais il y a une main qui vous touche. C'est cette main-là. Qui a fendu la mer en deux. C'est cette main-là qui a conduit Israël dans le désert. C'est cette main-là qui vous touche maintenant. C'est cette main qui vous touche maintenant. Maintenant, c'est cette main qui te touche, ma sœur. Ô Père de gloire, Dieu puissant. Oui, Seigneur Jésus. Nous sommes là avec mes sœurs, avec mes frères. Nous sommes là avec papa. Nous sommes là et nous venons à toi. Toi qui as parlé, tu as dit à Gédéon, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Aujourd'hui, Madian, tu lui avais dit, tu battras Madian comme un seul homme. Toi Madian, tu m'entends bien, libère la vie. Libère la vie, libère la vie, libère la vie, libère la vie, libère la vie, libère la vie, libère la famille, libère la famille, libère la famille. Libère la famille. Libère la famille au nom. Alléluia. Éternel est Dieu de gloire. Ils sont debout devant toi. Jésus, ils sont debout devant toi. Ils sont venus à toi, pas à moi. Moi, je ne suis qu'un homme, ton serviteur, que tu as envoyé. Merci, mon Seigneur. Merci, mon roi. Merci, ô Père. Couvre-le de ta présence, qu'il soit revêtu de l'Esprit Saint, qu'il soit revêtu de ta présence dans leur vie, Seigneur. Dans leur vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rentrer? Là, c'est pour toute l'église et moi avec. Nous devons jouir du fruit de nos mains. Bien aimé. Alléluia. Tu peux travailler. Tu voudrais jouir maintenant du fruit de tes mains. Voilà que tu es parti. Tu meurs. Il y en a qui ont travaillé des années. Ils perçoivent leur décompte final. Ils n'en jouissent pas. Ils laissent sur la table. Ils laissent sur la table. Mais toi, dis au Seigneur, bénis-moi. Que je jouisse du fruit de mes mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour moi? Moi aussi, je vais prier pour toi. Est-ce que quelqu'un peut prier pour maman? Maman va prier aussi pour toi. Est-ce que quelqu'un peut prier pour la chorale? Et la chorale va prier pour toi. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un qui est à ta gauche? Quelqu'un qui est à ta droite. Merci Père. Nous sommes devant toi, ô Seigneur et Dieu de gloire. Nous sommes devant toi, nous sommes devant toi. Adonai. Alléluia. Adonai. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse pour cette prière. Prie d'abord pour ton frère. Prie d'abord pour lui. Et lui est en train de prier pour toi. Merci Seigneur. Sante buona. Le Dieu de gloire. Mungu wa utukufu. Nous sommes là, Père. Nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Souviens-toi de ton serviteur. Sante Yesu. Le révérend Mbaï Désiré, là où tu es. Souviens-toi de sa famille, oh Père. Alléluia. Souviens-toi de sa famille. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yes. Aujourd'hui, alléluia. Alléluia. Alléluia. Si je devais être appelé Jérubal, et tu as comment dit Jérubal? C'était pour dire. Quoi, dis-lui? Que Baal défende sa cause. Que Baal se défende lui-même. Parce que toi, notre Dieu, tu as agi. Tu as agi. Alléluia. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Aujourd'hui, nous renversons son autel. L'autel des balles dans ta vie. Alléluia. L'autel des balles dans ta vie. Alléluia. Dans ta famille. Ujamalayako. Sois renversé au nom de Jésus. L'autel des balles dans ton mariage. Sois renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons élever l'autel des paix. L'autel pour Jésus. Nous voulons élever l'autel pour Jésus. Alléluia. En ces lieux, nous élevons l'autel pour Jésus. Nous élevons l'autel pour Jésus. Dans ta famille, nous élevons l'autel pour Jésus. Nous sommes en train d'élever l'autel. Nous sommes en train d'élever l'autel maintenant. Nous sommes en train d'élever l'autel. Dans ta famille là, tu élèves l'autel pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'élever l'autel pour Jésus. Tu es élevé, Seigneur. Merci, mon Père. Jésus, Jésus, tu es élevé. Oui, Père, tu es élevé. Au-dessus de tout, chantons Jésus. Jésus. Alléluia. Je voudrais descendre de cette chair. Mais Dieu me dit, si toi tu n'as pas encore cru en Jésus, tu l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, même si tu es un enfant, même si tu es vieux, lève la main là où tu es. Tu l'as pas encore reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui veut donner sa vie à Jésus? Tu ne peux pas être héros si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Merci mon frère. Merci papa, merci, merci. J'ai vu. Merci. Merci. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Vous êtes les bénis de Dieu. J'ai vu là-bas. Papa, est-ce que vous pouvez avancer? Baba, s'il vous plaît. Vous qui avez levé les mains. Si c'est pour recevoir Christ, je vis. Est-ce que vous pouvez venir? Amen. Alléluia. Viens, mon bien-aimé. Tu sais que je ne suis venu que pour toi. Maman, le Seigneur me dit que je suis venu rien que pour lui. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans le lieu céleste. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je voudrais que ta fatrice à Mahombi, soyez-le bien mon français. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je te donne toute ma vie, mon âme, mon corps et mon esprit. T'appartient. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, j'appartiens à la grande famille de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci Adonai. Merci Dieu puissant. Merci glorieux roi. Aujourd'hui, mon bien-aimé est là. Maintenant, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mon goût à Ouest. Mon goût à Nem. Moi, mon nom, c'est Kongolo Kabuit. Et toi, ton nom, c'est comment? Le frère Costa Casade, est-ce que tu peux te tourner, regarder tes frères? Alléluia. Regarde la joie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Batomi Chiamongo, le frère Costa Casade est là. Il est là. Après culte. Kisha Ibada. Tamona ou le papa. Le mina on a le voir papa ta sumburi anai un bien aimé Costa fera avec toi que Dieu te bénisse bien Mungu akubariki. Alléluia. Alléluia. Une fois de plus applaudir pour le Seigneur. Il est temps pour nous d'offrir maintenant à Dieu. Chacun prépare son offrande et vous faites une courte prière pendant que la chorale est en train de nous donner un cantique. Thank you. d'autre pour mon loulou et si ce n'est pas toi? Qui sera loué? Qui sera loué? Jésus. Oh, qui sera loué? Qui sera loué? Le roi du roi. Oh, loua, loua. Jésus. Oh, loua, loua. Le roi du roi. Zola ya ya, wana sambi du galomba. Zola ya. Jésus. Amen. C'est le moment de communiquer. Si c'est votre première fois d'être parmi nous à la source féconde, vous pouvez juste brandir votre main de là où vous êtes. Nous allons vous saluer. Kama Nimala ya Kwanza, Kuomba na Shie ya Papa Source Féconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pour sa première fois. Nous n'avons pas de visiteurs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Notre programme de la semaine, chaque lundi, de lundi jusqu'à vendredi, nous avons notre prière matinale qui commence à partir de 6h jusqu'à 7h. Kila siku, kwanza mkazimoya, kufika mkazitano, tuko na maombi ya prière matinale, iko naanza na saa 6h, inamalizika saa ya 7h juste. Il est demandé à tous les jeunes qui sont dans la salle de rester après le culte. Il y a une communication de la part du président de la JPC. Et cet après-midi, il y a rencontre de jeunes ici chez nous à l'église. Tous les jeunes, Banamilomba, Kubakia, Kisha, Mugusaniko, Atamoya, Ashiende. Nous demandons aux médias de nous balancer le communiqué qui a été programmé par notre révérend pasteur. Si vous êtes prêts, vous pouvez nous balancer. Shalom, nous suivons le programme de la semaine. Frères et sœurs bien-aimés, je suis dans la joie de vous faire cette petite vidéo. Nous ne sommes pas là ce dimanche pour vous donner le programme de la semaine. Donc demain, lundi à 17h, j'ai réunion avec toutes les commissions d'Elicacitador pour préparer notre croisade qui aura lieu au mois d'août. Et mercredi, jeudi, vendredi, nous avons prié, que nous appelons 3 jours de Djangwa, et le thème c'est bâtir les maisons de notre Père. Voilà, je vous invite tous à être là pour que nous puissions passer une semaine dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom, frères et sœurs bien-aimés. Je suis dans la joie de vous faire cette petite vidéo. Nous ne sommes pas là ce dimanche pour vous donner le programme de la semaine. Donc demain, lundi à 17h, je réunis. Amen. Il y a certains ou d'autres communiqués que nous avons concernant les secteurs. Il est demandé à tout un chacun d'aller au secteur qui est proche de chez lui. Cela dit quartier mission. Il y a des secteurs là-bas. Quartier mission 1.